produit de l'hydrogène à partir du soleil. La source d'énergie la plus abondante est sans aucun doute l'énergie solaire. Le soleil envoie sur Terre une puissance de 90 000 TWh, à comparer aux 14 TWh consommés par la population mondiale, et va continuer à le faire pendant quelques milliards d'années. Cependant, en raison de son caractère intermittent et de sa faible densité, il est capital de pouvoir stocker et concentrer cette énergie solaire sous forme de carburant. L'une des possibilités les plus séduisantes consiste à la transformer en hydrogène, un carburant propre avec une forte densité énergétique. Même si son état gazeux à température et pression ambiante rend son stockage et son transport difficiles, cet hydrogène sert ensuite à alimenter des piles à combustible pour produire de l'électricité. Il a plusieurs façons d'obtenir l'hydrogène grâce au soleil. La première consiste à effectuer une électrolyse de l'eau à partir de l'énergie électrique fournie par des panneaux photovoltaïques. Mais une autre méthode qui s'inspire de processus biologiques pourrait révolutionner dans un avenir plus ou moins proche notre approvisionnement énergétique. La conversion de l'énergie solaire en carburant est admirablement réalisée par le monde vivant, végétal notamment, grâce à la photosynthèse.